Lettre 71e. Calpurnie à Sulpicie, Nicomédie, 25 février 303. Il y a bientôt 2 mois que tu as quitté Nicomédie. Tu dois être établi depuis longtemps à Ecbatane. Et cependant, je n'ai reçu de toi que 2 mots écrits en voyage et qui n'étaient pas suffisants pour me tranquilliser. Je suis très inquiète de ce silence et je te supplie, au nom de ce qui t'est le plus cher, si mes soupçons sont fondés, et que tu ne sois trop malade pour écrire, de me faire écrire par Tiridate, par une esclave, en un mot par qui tu voudras, pourvu que je reçoive quelques lignes qui me donnent de tes nouvelles. Je vais, en attendant, te donner des miennes qui te surprendront. J'aimerais beaucoup avoir ton étonnement en lisant cette lettre et savoir ce que tu penseras de mes aventures. Scènes tragiques, scènes amoureuses, déguisements, reconnaissance, crainte, espoir, surprise, découverte inattendue, enfin tout ce qui serait charmant à lire dans un conte milésien fera le sujet de cette lettre, et j'espère que tu éprouveras au moins la moitié des peines et des plaisirs que j'ai ressentis en réalité. Il y a longtemps que je désirais une aventure de ce genre. Ma vie s'écoulait avec trop de monotonie, les dieux m'en ont envoyé une enfin, et je vais t'en faire le récit. Le jour d'hier fut très orageux pour Nicomédie. Il n'était question que des chrétiens et de leurs temples que l'on devait détruire, par ordre de l'empereur, pour faire cesser d'un seul coup leurs intrigues et cette triste secte. Mais la ville entière se ressentit des effets de cette mesure. Il y eut dans tous les quartiers des scènes sanglantes et terribles. Il ne se passa pas 1 heure, depuis les premières hostilités, que l'on vint avertir mon père d'un nouveau malheur, ou plutôt, disait-on, d'un nouveau crime. Il sortit et me laissa très inquiète. Si j'étais un peu visionnaire, je repris pour un pressentiment ce qui n'était que la suite des événements. Je me couchai fort tard, et je dormis très peu. Outre mon agitation intérieure, on entendait beaucoup de bruit dans les rues. Vers le point du jour, je m'étais légèrement assoupi, lorsque je fus réveillé par quelqu'un qui entrait chez moi. C'était Drusille. Elle s'approcha de mon lit avec un visage qui m'annonçait déjà quelque chose de fâcheux. « Qu'as-tu ? Lui criai-je. « Qu'est-il arrivé ?»« Ne t'effraie pas, maîtresse, » me dit-elle d'un ton qui me bouleversa entièrement. « Il est arrivé un grand malheur. »« Dieu, mon père !» m'écriai-je en me précipitant hors de ma couche et voulant sortir à demi-vêtu. « Non, non !» me dit Drusille en me retenant. « Ton père se porte bien, reste, et laisse-moi te raconter. » Je m'arrêtai plus tranquille. « Agathoclès, » continua-t-elle en me regardant. Je sentis alors un grand changement dans la nature de mes sensations. Je pus, dans ce court instant, établir la différence entre les sentiments de la nature et ceux fondés sur une préférence factice ou momentanée. J'étais encore inquiète, mais l'agitation, la crainte qui m'ôtait presque la respiration, avait cessé. « Agathoclès, » répétai-je, « que lui est-il arrivé ? Il est blessé. Dangereusement. Mortellement. » dit-on. Drusille prononça ces 3 mots à quelque distance l'un de l'autre, et par degrés. Je repris toute ma terreur et mon tremblement. Je fus obligé de m'asseoir sans avoir la force de parler et de questionner Drusille. Elle m'en évita la peine en me racontant avec une longueur insoutenable qu'Agathoclès, passant hier au soir assez tard dans la rue du temple de Cérès, vit une femme chrétienne qui tenait son enfant dans ses bras et que des prêtres voulaient à forcer en faire une offrande à la déesse. Agathoclès la défendit, la sauva de leur fureur, ainsi que l'innocente créature. Mais il en fut lui-même la victime. Une foule de peuple exaspéré contre les chrétiens tomba sur lui. On le laissa sur la place, percé de plusieurs coups mortels. Ses soldats l'avaient cherché et l'ont transporté dans l'hospice des veuves chrétiennes. Il y est encore, mais elle ne put me dire s'il y était mort ou vivant. L'esclave qui lui avait apporté cette nouvelle n'en savait pas davantage. Une multitude de sentiments divers se pressèrent dans mon âme, chagrin, pitié, colère de son exaltation, admiration pour son courage héroïque, désir ardent de savoir s'il existait encore, et dans ce cas, de lui montrer l'intérêt qu'il m'inspire. Tout cela se succédait avec rapidité pendant le récit de Drusille. Enfin, la pitié l'emporta, je l'envoyai à l'instant s'informer de ses nouvelles et le recommandai particulièrement aux soins de sa mère qui habite cette maison. Et je passais chez mon père. Il savait déjà ce triste événement, et il y avait aussi envoyé. Nous attendîmes le retour des messagers dans une grande anxiété. La réponse fut tranquillisante. Il vivait. Ses blessures n'étaient pas mortelles. Alors, le désir de le voir devint plus fort de moment en moment, et j'arrangeais dans mon esprit un plan que je ne pus résister à exécuter, tant il me parut séduisant. C'était de me déguiser en homme, et de lui faire une visite mystérieuse sans être reconnu. Plus je me livrais à cette idée, et plus elle me parut facile. Je fis chercher en grand secret un joli habillement d'esclave. J'étais sûr que mon père s'opposerait à une démarche que je condamnais moi-même, sans vouloir cependant y renoncer. Et comme il m'en aurait coûté de lui désobéir, je pris le parti de lui en faire un mystère. Druzy m'apporta les habits, ils allaient à merveille à ma taille. Elle arrangea mes cheveux à la coiffure d'un jeune homme. Tu sais qu'ils bouclent naturellement. Elles les firent tomber avec grâce autour de mon front, et je fus obligé de convenir, en me regardant dans le miroir, que la figure qu'il réfléchissait méritait bien autant de louanges que celle de Bathilde ou d'Endymion. La nuit étant venue, je jetai sur mes épaules un grand manteau de mon frère, un capuchon sur ma tête, et je me mis en route avec mon fidèle Phédo. Le cœur me battait bien fort. J'ignore encore si c'était de la crainte d'être découverte ou de l'émotion de voir dans un si triste état celui que j'allais chercher. Nous traversâmes heureusement la ville et nous parvînmes à la maison des veuves, distance au plus d'un quart de lieue. Je me fis annoncer comme un des esclaves d'Agathoclès qui désirait de parler à son maître. On me conduisit dans une chambre très simple. J'entrai avec un grand serrement de cœur. Agathoclès, pâle à l'excès, faible comme s'il n'avait qu'un souffle de vie, mais plus intéressant que je ne puis l'exprimer, était couché sur un lit très propre, son bras droit enveloppé de bandages. On ne voyait du reste aucune autre blessure, et grâce en soit rendue aux dieux, son noble visage a été épargné. J'étais dans l'état le plus singulier. Ce ne fut qu'au moment où j'entrais dans cette chambre, lorsque je ne pouvais plus retourner en arrière, que je sentis toute l'inconvenance d'une telle démarche à mon âge, de mon déguisement et de ma visite. Mais c'était trop tard. Agathoclès m'avait reconnu. Il fut même sur le point de me nommer. Dans l'excès de sa surprise, il prononça même distinctement la première syllabe de mon nom. J'en fus très effrayé. Nous n'étions pas seuls. Une des veuves, dans leur triste costume, tout en noir et voilée de la tête aux pieds, était occupée près d'une table à ranger des bandages. La présence d'esprit me revint à l'instant. J'interrompis Agathoclès et je me nommai moi-même. « Callias, ton fidèle esclave, » lui dis-je. Je remarquai sa surprise et son attendrissement. Je m'approchai de lui, il prit mes mains, les pressa tendrement. Une légère rougeur parut sur ses joues décolorées, et son regard languissant se ranima tellement que je tressaillis d'émotion et faillis me trouver mal. Dans le même moment, la femme voilée eut une espèce d'étouffement qui l'obligea de sortir avec précipitation, et tu juges que je n'en fus pas fâché. « Qu'est-ce cela ? » demanda-t-il. « On dirait qu'elle pleure. »« On le dirait, » lui répondis-je. « Mais de quoi s'affligera-t-elle ? » « C'est une femme très singulière, » me dit-il après quelques instants. « Elle me soigne avec tout le zèle imaginable, mais je n'ai point encore vu ses traits ni entendu le son de sa voix. J'ignore si elle ne peut ou ne veut pas me parler. » Cela m'était assez indifférent. Je lui dis que le silence lui était peut-être imposé comme une pénitence de quelque péché, et je commençai un autre entretien. Je lui demandai les détails du cruel événement qui l'avait conduit dans cette maison. Mais il me répondait avec distraction, regardant à chaque instant la porte par où sa garde-malade était sortie. Était-ce crainte de son retour ou bien intérêt pour elle? Je l'ignore, mais je sais que j'eus beaucoup de peine à fixer son attention. J'y parvins cependant. Il me demanda alors par quel singulier hasard je me trouvais auprès de lui déguisé en esclave. « Ce n'est point un hasard, mon ami, » lui répondis-je. « C'est ma volonté, c'est le désir de te voir, et de savoir si mon père ou moi-même, nous ne pouvons rien pour toi dans cette triste circonstance. » Il parut très ému. Ses yeux se mouillèrent de larmes. Il reprit ma main, la posa sur son cœur et me dit d'une voix comprimée, « Cher ami, belle et bonne Calpurnie, je ne mérite pas tant de bonté. » Je ne sais ce qu'il ajouta. J'étais distraite à mon tour. Je pensais à cette femme qui le soigne si bien en silence et qui venait de s'éloigner en sanglotant. C'est Théophanie qui se trouble en voyant son portrait, qui désire si vivement de le revoir encore, me revint dans l'esprit. Elle est chrétienne. Elle est veuve, ne serait-ce point elle. Au travers des épais vêtements de cette femme, j'ai cru remarquer une tournure élégante. Quoi qu'il en soit, je ne parlais point à Agathoclès de cette idée, et comme j'avais entrepris de n'exprimer qu'une héroïque amitié, je dis seulement tout ce que je devais dire, pour ne pas me compromettre, ne pas témoigner trop de tendresse à un ingrat, et ne pas blesser un ami qui ne parlait peut-être ainsi que par modestie. Je me tirais à merveille d'une position aussi délicate, et je suis persuadé qu'Agathoclès n'a pu même soupçonner rien au-delà de la simple amitié et de l'intérêt qu'il inspire à toute ma famille. La conversation prit insensiblement une tournure plus calme. Il me raconta, à plusieurs reprises, ses forces ne lui permettant pas de parler longtemps, la tragique histoire de la veille. Je ne pus refuser mon admiration à sa conduite vraiment sublime, mais l'effet dangereux de ce récit et de la situation intéressante d'Agathoclès fut bien diminué par le tableau du moment où il reprit connaissance un instant, dans la cour de cette maison où on l'avait déposé. Il lui parut que tous ceux qui l'entouraient étaient des êtres d'un autre monde. Les flambeaux qui répandaient une lumière sépulcrale, les femmes vêtues de noir qui s'empressaient autour de lui. « Ma tête était si affaiblie, me dit-il, qu'il me sembla reconnaître au milieu d'elle mon amie d'enfance, ma chère Larissa. Je crus la voir, l'entendre parler, et mon émotion fut telle que je perdis de nouveau connaissance. Ce n'est qu'un rêve de mon imagination sans cesse occupée de cette image, ajouta-t-il avec un soupir. Larissa habite les demeures célestes, et je n'ai pas encore mérité de la rejoindre. Mais ce rêve m'a procuré aux portes du tombeau un moment de bonheur. Et moi aussi, Sulpici, je poussai un profond et triste soupir. La conversation l'avait épuisé. Je lui dis que j'allais me retirer. Il me remercia tendrement de mon inexprimable bonté. C'est ainsi qu'il s'exprima. Je lui promis de venir encore le voir le lendemain si cela m'était possible. Il me serra la main en silence. J'étais sur le point de sortir lorsque son médecin entra. C'est un vieux prêtre chrétien. Les traits de cet homme ne m'étaient point connus. Je le regardais avec plus d'attention. Imagine-toi ma surprise. C'est le même vieillard que tu reçus à Saint-Yom, le père de la veuve de Byzance, de cette mystérieuse Théophanie. Cette découverte me fit éprouver, je ne sais pourquoi, une sensation désagréable. Puisqu'il est ici, sa fille ne doit pas être éloignée. J'en reviens à mon soupçon. Elle est dans cette maison, et c'est elle, sans doute, qui soignait Agathoclès quand j'entrais chez lui, qui s'éloigna ensuite avec un gémissement étouffé. Mais qui est-elle? D'où le connaît-elle? C'est un mystère où je ne puis rien comprendre. Te rappelles-tu que lorsqu'il fut question d'aller chez toi, à propos des dessins que tu lui envoyais, Agathoclès fut très agité et inépuisable en demandes sur elle et sur sa figure. Il y avait dans sa physionomie, dans son regard, bien plus que de la simple curiosité, et je t'avoue que la mienne est vivement excitée. Je fus assez raisonnable pour ne point faire paraître mon étonnement. Le vieillard me regarda à peine et, contente qu'il ne m'eût point reconnu, je me hâtai de m'échapper. Je ne me suis point pressé de communiquer au malade mes observations et une rencontre qu'il ne saura peut-être que trop tôt. Qui sait si je ne retournerai dans cette maison? Je l'ai promis, mais j'ignorais alors qu'elle fût habitée par des gens qui m'ont vu et peuvent me reconnaître. Mon esprit est étrangement occupé de cet incident, mais mon esprit seulement et non point mon cœur. Qu'a-t-il à démêler avec cette Théophanie, qui ne m'a pas plu autant qu'à toi? Sa figure est agréable, ses yeux sont très expressifs, mais elle est trop triste pour moi et s'enveloppe de trop de mystères. Certainement elle connaît Agathoclès plus qu'elle n'a voulu nous le dire, elle ne lui est pas étrangère. Tout cela m'intéresse comme une chose étrange, embrouillée et rien de plus, je t'assure. Je vois arriver la nuit avec assez d'impatience et de curiosité. J'irai donc encore malgré les risques que je cours. Oui, j'irai, mais ce n'est plus avec le même sentiment que la première fois. Je vais jouir du plaisir de causer avec un homme aimable, d'exciter sa reconnaissance, de le voir bien plus tendre avec moi que lorsqu'il n'était pas malade et qu'il m'évitait peut-être par un effort de raison. J'en suis capable aussi de cet effort et je te promets de cesser de le voir sans chagrin et sans regret lorsque la raison l'ordonnera. Jusqu'alors, Laisse-moi satisfaire mon innocente fantaisie. Adieu.